ça va, papa? Pas de comme ça? Trop inventé, que nous pas j'en sauté. N'est frappé, bien nous la fait pas j'en tremblé. Yo m'a dit, yo m'a fait. En nous prie, en nous rire, alléluia. Couple marié, nous pas manqué broncher. Que raïsons nous, yotis, nous c'est des mots. Nous les hommes avons